Le volatile qui ne vit point venir la hyène, par le fabuliste. Un paon régnait ici au bord d'un bel étang, fort épris de sa queue et se trouvant charmant. Nul oiseau sous le ciel, disait-il jour et nuit, n'avait train si superbe et col si bien poli. Là, le peuple emplumé trouvait que ce seigneur durait bien trop longtemps, dans son orgueil sans peur. Chacun souhaitait voir un autre à son office. L'oiseau n'entendait rien, sourd à tout sacrifice. Trois ministres venus tentèrent l'aventure. Le chamois du Jura tomba sous la facture. Le budget l'a défait, il partit s'entraîner. Puis l'ours des Pyrénées vint ensuite gouverner. Il rêvait du pouvoir, on l'y mit bien vite. Hélas, trop lourd ce rôle, le voilà qui nous quitte. Il parla mal un jour et partit en chemin. Un autre alors survint, qui connut même destin. En 14 heures, hélas, tout fut ainsi fini. Le volatile appela tous ses vieux favoris, ses anciens complices et tous ses plats flatteurs. Le troisième comprit qu'on riait de son cœur, et quitta donc le poste, laissant le présomptueux déambuler la scène d'un pas cérémonieux, paradant en caméra tel un acteur heureux, faisant de sa disgrâce un spectacle pompeux. « Sire, déguerpissez !» criait Foro ses amis. « Nul ne veut vous revoir dans notre beau pays. »« Jamais !» hurla l'oiseau, fou d'orgueil et de rage. « Je reste en mon palais et c'est là mon apanage. » »« En 32, pourtant, je reviendrai vainqueur, plus brillant qu'autrefois, avec plus de vigueur. Qui donc mieux que moi pourrait embellir ces lieux ?» L'aveugle poursuivait son délire orgueilleux. La hyène, tapie au fond des bois les plus sombres, voyait ce grand naufrage et ricanait dans l'ombre. « Plus il s'obstine, mieux pour moi, » disait-elle. « Ces ministres tombés, ah, quelle aubaine si belle !» Le royaume chavire et tout part à Bolo. C'est lui-même qui m'ouvre en demeurant, quel sot. Qu'il continue ainsi dans son aveuglement, je bondirai chez lui sous peu, à tout moment. L'étang tourne à bourbier, puis tout changea en base. La dette enflait toujours, engloutissant la base. Nos voisins regardaient, consternés, ébahis. Le glorieux pourtant étalait sa parure, admirant son reflet dans la frange et l'ordure. Il s'accrochait toujours, tandis que la charogne attendait pour ravir et prendre sans vergogne. Ainsi, le chef qui n'aime rien que sa très propre gloire livre à ses ennemis les clés de la victoire. Ainsi, ce vaniteux, s'accrochant à son bien, offre tout son pays aux dents d'un mal ancien. C'était le volatile qui ne vit point venir la hyène par le fabuliste.